pour un homme une trouvaille. Il appela cela le travail. Très vite cet homme s'est empressé de faire des autres des gens pressés. Des gens pressés. Pour gagner leur amitié, il inventa l'idée de métier. La paye ce sera des pourboires ou des pas assez pour manger. Pour manger. Tant de manque de travail, il inventa la mitraille. Et pour les grandes pénuries, il organisa des tueries. Des tueries. Il créa le salarié, la sécu, les congés payés. Enfin il donne à la télé pour aller sans se rebeller. Sans se rebeller.